Audiomatique. Transmission 560 d'Audiomatique s'ouvrait sur une version que nous offre Frontline Assembly de la pièce Metamorphosis, originalement composée par le groupe Die Krups. Le Shifting Mutation Mix peut se trouver sur l'album de Remix Wars Strike 2, dont le concept consiste à proposer trois pièces composées par Die Krupps et remixées par Frontline Assembly et vice-versa, c'est-à-dire trois autres pièces composées par Frontline Assembly et cette fois remixées par Die Krupps. Et maintenant, c'est au tour de Kiku, Blixa Bargel et Black Cracker d'assurer la continuité à Audiomatique. Und stand über den Bergen. Yeah. nous avions droit à Audiomatique, à la collaboration entre le duo suisse Kikou, l'artiste allemand Blixa Bargel et le projet américain Black Cracker. De leur album « Marcher sur la tête » paru en 2015, nous entendions la pièce « Nuages ». Audiomatique se poursuit maintenant sur une composition de l'artiste Steve Roach. Audiomatic, nous venons d'écouter la pièce Resonance composée conjointement par les projets Carbon Based Lifeforms et Erot. Celle-ci se retrouve exclusivement sur la compilation intitulée Opia, produite par l'étiquette française Ultima Records. Avant cela, c'était la pièce Adreno Stream, créée par le compositeur Steve Roach pour l'album Proof Positive, publié en 2006. Audiomatic se poursuit maintenant avec l'artiste anglais Ryan Trenor. Thank you. Nous avions droit à Audiomatique au projet danois O-Land de son album Water Music qui a été lancé en 2018. Nous écoutions la pièce Destroy and Rebuild. Et pour débuter ce bloc musical, il s'agissait de l'artiste anglais Ryan Trenor de la compilation Planet Mu 30 qui souligne le 30e anniversaire de l'étiquette de disque Planet Mu, fondée par Mike Paradinas en 1995. Nous vous avons présenté la pièce Another Future is Impossible de Ryan Trenor. Cette transmission d'Audiomatique se conclura sur la musique du projet russe Media Data, qui nous offrira Over and Begin de son premier album Over, paru en 2016. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique. CFOU, si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors, pour terminer, voici Media Data et Over and Begin. C'était Audiomatique avec les sonoristes.